Yeah, MC t'as pas de flow. Non. Hey. MC t'as pas de flow, donc sors vite de strip. T'as pas le script, t'as ni la deck et ni le style. C'est shit quoi, ambiance qui te met à l'agonie. J'tape dans le mille pile poil en dessin de ta copine. Petite rap, approfice la grosse voiture dans ta commune. Darak, quand t'es ta vie, t'as dit bonjour à Dieu sans t'as reconnu. Tout droit dans le mur, moi j'trace ma route en série 3. Quand c'est le feu dans la foule, j'fais pas ça brille, j'entre dans le jerrycan. T'as pas de flow, t'en barésie comme les autres putes. Mes punchlines, c'est des bats géants à côté de tes sauts de puce. Un saut de puce qui te fera dévaler les pentes, j'vais te faire avaler tes dents et te faire travailler très tard chez les gars de la street. T'étais dans quand des schizos, t'avais le cul plein d'équimaux. Ça tu te vends d'avoir des kilos. Encore un mythomane dopé à la ritaline. Évite le mic, c'est pour fils, tu vas vite comprendre ce qui t'arrive. Même si t'as pas de flow, t'as pas de flow. Même si t'as pas de flow, même si t'as pas de flow, t'as pas de flow. J'ai juste ta prestation, pas ta localité. Je prépare mon scud, après je fais de ce titre une leçon de moralité. J'y peux rien, tous les bâtards veulent ma peau. Et si un jour je suis blindé, des dealers viennent de ne pas toucher ma Porsche. Mais pour l'instant je suis perspicace sur des beats massifs. Je suis un détecteur de schlag, j'ai pas besoin qu'un geek m'assiste. Je te grite au lard, c'est comme les gamos de la volaille. Repéré à des kilomètres, tu peux le juger l'avocat. Dégage d'ici, t'as copié le flow à Dizzy's. Je vais pas faire péter les plans, mais je t'envoie direct à l'asile. On te l'a mise et c'est la mienne si tu la sens. Je t'ai vu sur le terrain, proto, tu gères aucune situation. Bizarre, je t'entends pas, pourtant tu me dis que t'es hal. Ok, putain, bientôt je vais te manier comme un pote à théâtre. Arrête tes blagues, je te bédave, même en Riken. Je représente le vrai rap, marre des pédales en replay. Même si t'as pas de flow, t'as pas de.